Chapitre 7, où le père Lustucru est au comble de ses vœux et le chat de la mère Michel dans une fâcheuse position. Lustucru avait fixé le lendemain pour l'exécution définitive de Moumoute, parce qu'il savait que la mère Michel devait, ce jour-là, porter aux messageries les épargnes qu'elle destinait à sa sœur. Pendant toute la journée, Faribault fut plongé dans un sombre abattement, et lorsque l'heure fatale eut sonné, ses irrésolutions de la veille l'assaillirent. Quand la mère Michel, avant de sortir, lui dit « Je te confie Moumoute, tu en auras soin et tu le feras jouer pour qu'il ne s'ennuie pas trop en mon absence. » Le brave garçon sentit son cœur défaillir et sa loyauté naturelle se révolta. « Allons, nous n'avons pas une minute à perdre, » vint lui dire le père Lustucru. « Voici le sac, va chercher la bête. » Faribault implora encore la pitié du maître d'hôtel. Il fut éloquent, il eut des larmes dans la voix, il prononça un plaidoyer des plus pathétiques, mais sans pouvoir gagner sa cause. Le bourreau fut inébranlable. Il renouvela ses menaces, il exigea la mort du chat. Et Faribault, dominé par le malin esprit, se vit forcé d'obéir. Moumoute se laissa entraîner dans le jardin. Il suivit son perfide ami, avec la confiance de la brebis qui suit le boucher, et, au moment où il y pensait le moins, il se vit enfermé dans le sac qui devait être son tombeau. Lustucru, qui s'était caché, parut brusquement, portant deux énormes triques, en offrit une à son complice et s'empara du sac en disant « Allons, à l'œuvre et point de quartier !» Faribault ne l'entendait pas. Il était frappé de stupeur. Ses yeux hagards tournoyaient dans leurs orbites. Son visage était livide, sa bouche béante, son bras sans force. Le père Lustucru, animé par l'espoir d'une vengeance prochaine, ne remarqua point ce qui se passait dans l'âme de son compagnon. Après avoir jeté rudement le sac à terre, il leva son bâton et allait frapper quand la petite porte du jardin s'ouvrit. « Fâcheux contre-temps, murmura-t-il. Faribault, enfonce-toi dans la charmille, je vais t'y retrouver bientôt. » Et, s'étant approché de la personne qui venait d'entrer, il s'arrêta pétrifié à l'aspect de la mère Michel. Il s'imagina d'abord qu'elle était ramenée par de vagues soupçons, par un pressentiment instinctif. Mais il se rassura en lui entendant dire « Je suis obligé d'ajourner ma course, car je viens d'apercevoir le carrosse de Madame de la Grenouillère. Elle va faire un détour à cause des travaux de pavage qu'on exécute dans la rue, et j'ai pu la devancer en rentrant par la petite porte. « Venez, monsieur Lustucru, venez vite à la rencontre de notre bonne maîtresse. »« Je vous suis, madame, » dit le maître d'hôtel. Puis, se faisant un porte-voix avec la main, il cria à Faribault. « Frappe tout seul, frappe jusqu'à ce que le chat ait cessé de remuer. » Et il rejoignit la mère Michel dans la grande cour, où tous les domestiques étaient déjà rangés en ligne, comme un bataillon bien discipliné. En descendant de voiture, Madame de la Grenouillère honora ses serviteurs d'un regard de bienveillance, embrassa sa dame de compagnie avec une touchante familiarité et lui demanda des nouvelles de Moumoute. « Votre protégé se porte à merveille, » dit la mère Michel. « Il engraisse et embellit à vue d'œil. Mais on peut dire, sans blesser la vérité, que ses qualités morales l'emportent encore sur ses agréments physiques. » « Pauvre ami, s'il ne m'aimait pas, ce serait un monstre d'ingratitude. » Car depuis notre séparation, j'ai constamment songé à lui. Le ciel m'a ravi bien des êtres qui m'étaient chers, mais Moumoute sera la consolation de mes vieux jours. » Sitôt que la princesse eut donné les ordres que nécessitait son arrivée, elle pria la mère Michel de lui amener Moumoute. Celle-ci répondit « Il sera charmé de vous revoir, madame. Il est dans le jardin sous la garde de Faribault, petit jeune homme que votre maître d'hôtel a jugé à propos d'admettre ici. » Ce drôle et le chat sont devenus une paire d'amis intimes. La dame de compagnie se rendit au jardin et n'y trouva que Faribault, assis sur un banc et effeuillant, d'un air préoccupé, une branche de buis qu'il tenait à la main. « Mon ami, dit la bonne femme, madame la comtesse désire que tu lui apportes Moumoute. »« Moumoute ? » bégaya Faribault en tressaillant à ce nom comme s'il eût été piqué par une guêpe. « Oui, Moumoute ! Je croyais qu'il était avec toi. » Il vient de me quitter. Des passants ont fait dans la rue un bruit qui l'a effrayé. Il s'est sauvé dans la charmille. La mère Michel, après avoir passé plus d'une demi-heure à parcourir le jardin, revint dire à Madame de la Grenouillère. « Moumout est absent, madame, mais soyez sans inquiétude. Il a déjà disparu une fois et nous l'avons retrouvé dans le grenier. Qu'on le fasse chercher, je ne veux pas attendre. Je désire le voir sur le champ. Hélas, ce vœu ne pouvait guère être accompli s'il fallait s'en rapporter aux paroles qu'échangeaient dans l'ombre Lustucru et son complice. Eh bien, as-tu frappé? Oui, monsieur Lustucru, j'ai frappé jusqu'à ce que le chat ait cessé de remuer. Qu'as-tu fait de son cadavre? Je l'ai porté dans la Seine. Était-il bien mort? Il ne bougeait plus. D'ailleurs, le sac était fermé avec soin. Justice est faite.